goutte à goutte se lève à la nature. Le temps piscine, ils éclairent, papa nous a la prise. Où coûte la pluie, chanter mélodie, plaisir. Talisman d'amour, talisman d'amour pour toujours.